بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant la dixième partie dans l'explication du livre du Cheikh Abdus Salam ibn Burjis رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح. Et on est arrivé maintenant dans le chapitre numéro 7, le chapitre qui s'intitule Al-Mu'taqad al-Sahih fi Ahli Bayt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire la bonne croyance à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le terme qui est employé pour désigner la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mot ou le terme plutôt Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, si on le traduit littéralement, Ahl, on peut le traduire par famille, mais on peut aussi le traduire par les gens de. Hein? Et Al-Bayt, c'est la maison. Donc Ahlul Bayt, ça veut dire les gens de la maison, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce terme-là, vous l'entendez beaucoup, surtout que les gens de bid'a comme les rafida, les shi'a rafida par exemple, eux, ils jurent que par Ahlul Bayt, et ils prétendent aimer Ahlul Bayt et vouloir défendre l'honneur de Ahlul Bayt et être les supporters de Ahlul Bayt. Hein? Et ils pensent même que on doit prendre la religion que de Ahlul Bayt. Sauf qu'ils sont très restrictifs dans leur définition de Ahlul Bayt. Par exemple, ils ont exclu de Ahlul Bayt les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés comme faisant partie de Ahlul Bayt dans le Coran. Et ça, on va le voir de toute façon à travers les explications du Cheikh. Donc, pour commencer, le Cheikh il dit: "Wa min aqa'idi ahli sunnati wal jama'a mahabbatu ahli bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu fadlihim wa sharafihim 'amalan bi wasiyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يوم غدير خم حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. Donc, le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il commence ce point dans ce chapitre en disant que les gens de la Sunna, hein, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils ont une position claire et yani, explicite par rapport à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est que nous devons aimer, hein, les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons connaître leurs mérites. Et nous devons connaître leur honneur et nous devons les honorer. D'accord, ça c'est très important. Mais bien entendu, quand on parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est exclusif et spécifique aux croyants parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les kuffars parmi les mushrikins qui font partie des proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Lahab, hein, et d'autres, comme parmi Abdul Muttalib, Abu Talib, sont des proches, font partie d'Ahlul Bayt, mais ils ne sont pas des croyants, donc ils n'ont aucune part de cet honneur et de ce mérite-là. D'accord? Donc il faut comprendre que quand on parle d'Ahlul Bayt, on parle exclusivement des croyants, et non pas de tous les gens qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une consigne à respecter par rapport à sa famille. Et donc, les gens de la sunna, quand ils montrent de l'amour et du respect envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils agissent selon cette consigne-là. Et c'est la consigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée le jour de Ghadir Khum. Ghadir Khum, c'est un endroit où un ruisseau ou une rivière, un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté sur le chemin vers la Mecque. Par contre, je ne me souviens plus, est-ce que c'était en revenant du Hajj ou bien en allant au Hajj. Mais dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à cet endroit-là qu'on appelle Ghadir Khum. Ghadir, ça veut dire le ruisseau, puis Khum, c'est le nom de la place. Donc, je ne me souviens pas si c'était avant ou après, mais en tous les cas, il s'est arrêté à cet endroit-là et il a glorifié Allah, et il a fait les éloges d'Allah et il a exhorté les croyants et il a rappelé aux croyants certaines règles de l'islam. Puis il a dit ensuite, ô vous les hommes. Et quand il dit les hommes, c'est-à-dire An-Nas, il s'adresse aux hommes en général, ça comprend les femmes aussi. C'est pas seulement les hommes, An-Nas, c'est général. Et il a dit, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un homme. Et il dit, je crains que le messager de mon Seigneur vienne me voir et que je réponde à son appel. Et en disant ça, il parle de la mort. C'est-à-dire, le message de son Seigneur, c'est la mort. Donc, je suis qu'un être humain, c'est-à-dire, moi aussi je vais mourir, comme tous les hommes. Et le messager de mon Seigneur va venir, donc s'il vient, je vais répondre à son appel. C'est-à-dire, il va prendre mon âme. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et je laisse parmi vous deux choses. La première, c'est le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidance et la lumière. Il dit, alors prenez le livre d'Allah et cramponnez-vous à celui-ci. Donc, il a incité les croyants à s'accrocher au livre d'Allah et il les a incités à le suivre, à le respecter, à pratiquer ses règles. Puis, il a dit ensuite, et également, la deuxième chose, ma famille, les gens de ma famille. Il a dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'annoncer aux compagnons qu'il va bientôt mourir. Et donc, il leur donne des conseils à suivre après sa mort. Et il leur dit, accrochez-vous au livre d'Allah et également prenez soin de ma famille. Prenez soin de mes proches. Et il leur répète avec insistance. Il l'a dit trois fois. Je vous rappelle d'Allah, c'est-à-dire je vous rappelle de vous préserver d'Allah et d'obéir à Allah et de craindre Allah vis-à-vis de ma famille. Je vous rappelle d'Allah vis-à-vis de ma famille. Je vous rappelle d'Allah vis-à-vis de ma famille. Il l'a dit trois fois. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon le compagnon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu. Et à propos de cet événement là, l'imam Ibn Kathir il dit dans son tafsir, qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi wa la nunkiru al-wasata bi ahli al-bayt ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيك. Donc ici l'imam Ibn Kathir, il dit rahimahullah dans son tafsir, et nous ne dénions pas le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens de sa famille, et l'ordre d'être bon envers eux, et de les respecter, et de les honorer, hein, et qu'ils sont d'une demeure, ou d'une la progéniture, hein, d'une progéniture pure, parmi les maisons les plus nobles qui sont présents sur terre, en fierté, en statut, en noblesse, en particulier ceux d'entre eux qui suivaient la sunna du messager, authentique, clair et apparente, comme l'étaient les pieux prédécesseurs parmi eux, comme Al-Abbas, son oncle, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, radiyallahu anhu, et ses fils, Abdullah ibn Abbas, et puis Al-Fadl ibn Abbas, et d'autres également, dont je ne connais pas tous les noms. Donc il a eu des fils, c'était également parmi des gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, radiyallahu anhu, qui est le fils de Abu Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de sa famille, de même que ses enfants aussi, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu de nombreuses épouses, et il a eu des filles aussi avec Khadija, radiyallahu anha, et parmi les filles, il a eu Ruqayya, il a eu Kulthum, il a eu Fatima, puis il a eu, je ne sais pas s'il y en a une qui s'appelait Zainab, je ne me rappelle pas exactement, mais il a eu des filles avec Khadija radiallahu anha, et il a eu des fils, mais les fils qu'il a eu sont morts très jeunes, tandis que les filles avec ses filles, eh bien, deux d'entre elles qui étaient mariées avec Uthman ibn Affan radiallahu anhu, c'est pour ça qu'on l'appelle Dhun-Nurayn, et aussi Ali radiallahu anhu qui était marié avec sa fille Fatima radiallahu anha. Donc tous ceux-là font partie de Ahlul Bayt, hein? Et le Cheikh il dit ensuite wa min ahli baytihi azwajuhu qala ta'ala fi siyaqi mukhatabatihinna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Donc il dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Donc il s'adresse à eux en disant أهل البيت, hein, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا, لأنهن سبب نزول الآية, وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا, إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. انتهى كلامه. Donc le Cheikh il cite donc que il dit premièrement que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahlul Bayt. Elles font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit dans le contexte des versets de 33 à 34 dans Sourate Al-Ahzab, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et à tous les croyantes également, hein, de façon indirecte. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, c'est-à-dire, restez dans vos demeures, et ne vous exhibez pas, وَلَا تَبَرَّجْنَ, n'exhibez pas vos parures et vos atours, de la manière dont le faisaient les femmes de la jahiliya avant l'islam. Hein, وَلَا تَبَرَّجْنَ, التَبَرُّج, ça veut dire exhiber, de montrer, de laisser paraître les atours, de la façon dont les femmes de la jahiliya faisaient le tabarruj. Elles montraient de leurs atours et de leur charme aux hommes étrangers lorsqu'elles sortaient à l'extérieur. Donc ne faites pas comme elles, restez dans vos demeures et n'exhibez pas de vos atours. Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite à ces femmes-là, d'établir la salade, de donner la zakat et d'obéir à Allah et aux messagers. Les ulama, ils disent, ça c'est la preuve que cet ordre-là s'est adressé aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'est pas exclusif aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est des ordres généraux dans l'islam. D'établir la salade, c'est pas seulement obligatoire pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est obligatoire pour toutes les femmes, sans exception. Donc ces ordres-là sont adressés en même temps aux femmes en général parmi les musulmanes, et de donner la zakat et d'obéir à Allah et aux messagers, ça c'est général, hein. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit innama yuridu liyudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira, c'est-à-dire Allah veut uniquement enlever de vous toute impureté, hein, et vous purifiez de façon totale et complète aux familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? De purifier les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnant justement de mettre en pratique ces principes et ces règles de l'islam là. Et il dit ensuite, et rappelez-vous, hein, ce qui est récité dans vos demeures des versets d'Allah et de la sagesse. Et les ulama ils disent que la sagesse ici, il s'agit de la sunna. Hein, la sagesse, hein, al-hikmah, c'est la sunna. Puis il dit, et certes Allah est doux et parfaitement informé. Ensuite, le shaykh il cite les paroles de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui explique les versets dans son tafsir à propos de des versets qu'on vient de lire dans Sourate Al-Ahzab. Il dit que ces versets-là sont des preuves claires et explicites. Quand on dit que, il dit, هذه الآية نصٌ. Le terme نص, dans la religion, dans la langue arabe, ici, le terme نص, ça veut dire que ce sont des textes explicites. Hamad, s'il te plaît, fais pas de bruit. D'accord? Que ce sont des textes clairs et explicites sur le fait que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam entrent dans la signification, hein, de Ahlul Bayt, et qu'elles font donc partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il mentionne ça, Ibn Kathir? Parce que les Rafida, ils prétendent que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas incluses dans le terme Ahlul Bayt, même qu'ils insultent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Aisha radiallahu anha. Hein? Donc ici le shaykh il spécifie, il dit que ce verset est une preuve explicite et claire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam entrent dans la définition de Ahlul Bayt et qu'elles font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elles sont la cause de la révélation de ce verset-là. Et si elles sont la cause de la verset, de la révélation du verset, donc c'est clair qu'elles rentrent dans le verset, dans sa définition. Hein, ça c'est une parole, hein, unanime chez les ulama. Et il dit, soit qu'elles rentrent elles seules, ou d'autres avec eux. Et c'est ça qui est le plus correct. Qu'elles rentrent dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres également sont inclus dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les autres membres de la famille. Donc le cheikh il dit فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين لحديث عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن ابن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رواه مسلم. Le cheikh dit que parmi ceux qui rentrent dans ce verset-là également, il y a Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hassan ou al-Hussein, radiyallahu anhum ajma'in, et il dit, c'est supporté par le hadith de Aisha, radiyallahu anha, qui dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti un matin, et il portait un manteau en peau d'animaux, avec des poils dessus. Donc un manteau d'une peau noire. Et puis, Al-Hassan ibn Ali est venu, il l'a fait rentrer dans son manteau. Puis Al-Hussein est rentré, il l'a fait rentrer également avec lui. Puis, ensuite, Fatima est venue, il l'a entré avec elle, sous son manteau. Puis est venu Ali, et il l'a rentré aussi lui aussi sous son manteau. Puis il a mentionné le verset إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Et ça c'est rapporté par Muslim. Donc ça c'est la preuve que eux aussi ils rentrent dans la signification de ce verset là avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à la mention du hadith de Ghadir Khum, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut savoir que les Rafidah, ils ont des versions de ces hadiths-là dans leurs livres, qu'ils ont rajouté des choses fabriquées. Et ils ont inventé des mensonges par rapport à ça, et aussi par rapport à ces hadiths-là. Donc eux, ils font toujours leur propre version des différents hadiths, puis ils rajoutent dedans des choses ou ils enlèvent des choses. Donc ils mentent. Et les Rafidah sont connus pour leurs mensonges. Donc soyez sur vos gardes si jamais vous lisez des choses comme ça. Qu'il y a des versions dans les livres des Shia qui déforment la réalité de ces histoires-là. Est-ce que tu peux rajouter du sucre un peu? Peut-être une cuillère encore. Barakallahu fik. Maintenant, on rentre dans un autre chapitre, le chapitre 9. Oui, mais avant de passer directement au chapitre 9, il y a juste un ou deux petits points que je veux rajouter par rapport à la question de Ahlul Bayt qui sont importants de mentionner. Et ces points-là, Hamad, s'il te plaît, arrête. Ahlul Bayt, comme je disais tout à l'heure, les Shia, Rafida, ils prétendent que eux, ce sont les vrais défenseurs de Ahlul Bayt et qu'ils aiment Ahlul Bayt. Et ils disent des gens de la Sunna que nous, on est les ennemis de Ahlul Bayt. Et ça, c'est clair que c'est un mensonge, puisque les gens de la Sunna, ils ont le devoir et l'obligation d'aimer la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué. Sauf que, il faut comprendre en réalité que qu'est-ce que les Rafidah veulent dire par l'amour en réalité? C'est le shirk. Shirk ash-shirku billah. Parce que eux, ils pensent que si tu fais pas le shirk avec eux, en les associant à Allah et en les adorant en dehors d'Allah, que tu les aimes pas. Donc, si vous voyez par exemple les chiites, par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans leur pays ou les pays dans lesquels ils ont l'autorité et le pouvoir, eh bien, ils font des mausolées et des lieux de prière, des mosquées qu'ils construisent sur les tombeaux des descendants de Ali radiallahu anhu, et même sur la tombe de Ali radiallahu anhu à Najaf, où supposément il a été enterré. Ils ont construit sur sa tombe une grosse mosquée. La même chose avec Al-Hussein radiallahu anhu. Ils ont construit sur sa tombe une grande mausolée. Et ils font à chaque année des pèlerinages à ces endroits-là. Hein? Et même parfois il y a plus de monde, autant qu'à la Mecque. Et tout ça c'est des exemples de shirk. Hein? Allah musta'an. Et la même chose pour les 12 imams. Ils font sur leur tombe des mosquées. Et à la base, c'est eux qui ont inventé le culte des morts et le culte des tombes. Ça a été inventé par les Rafidah. D'accord? Et donc, ils pensent que si tu les adores pas en dehors d'Allah, si tu n'adores pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, alors, pour eux, tu les détestes. Ou t'es un ennemi de Ahlul Bayt. Donc ça c'est un exemple de leur extrémisme. Et aussi ils imaginent que les sahaba détestaient Ahlul Bayt. Et ils pensent que les sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman et les autres parmi les sahaba étaient les ennemis d'Ahlul Bayt. Alors que c'est faux. Les sahaba, ils aimaient tous Ahlul Bayt parmi les croyants. Et au contraire, ils voulaient tous avoir une bonne relation avec eux. Même que Ali radiallahu anhu, il a donné sa fille qu'il a eue avec Fatima, Umm Kulthum radiallahu anha wa anhum. Il a donné sa propre fille qu'il a eue avec Fatima à Omar ibn al-Khattab en mariage. Hein, elle s'appelait Umm Kulthum. Et Omar, il lui a dit à Ali, quand il est venu la demander en mariage, il a dit, je veux avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, avoir des enfants, yani de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, radiallahu anhu, il a compris ça, il lui a donné sa fille en mariage. S'il y avait une animosité entre eux, comme le prétendent les Rafidah. Comment il aurait donné sa fille à Omar ibn al-Khattab? Et s'il croyait, comme eux ils prétendent, que Ali faisait la taqiyya, il cachait sa réelle croyance envers Omar, et que au fond de lui il le détestait, mais il lui montrait l'amour comme eux ils le prétendent. Alors comment quelqu'un peut aller jusqu'à donner sa fille en mariage à celui qu'il considère kafir et qu'il déteste, si c'est ce qu'il prétend? Et certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire que c'était pas sa fille vraiment, c'était une djinnia qui avait l'apparence de sa fille qu'il a donnée à Omar. Donc tu vois les mensonges, comment ils vont loin pour déformer la réalité des choses. Donc, c'est juste pour que vous soyez informés de ça, qu'il n'y a pas de haine ou d'animosité entre eux, au contraire. Hein? Ils s'aimaient, les sahaba aimaient Ahlul Bayt, et Ahlul Bayt aimaient les sahaba, et il n'y avait pas d'animosité entre eux, dans ces choses-là. Maintenant, on passe au chapitre suivant, c'est le chapitre numéro 9, au sujet des karamates. Al-karamat, des awliya, des serviteurs rapprochés d'Allah. On peut traduire les karamat comme étant les prodiges ou les actes surnaturels ou bien hors de l'ordinaire que font certains hommes pieux parmi les musulmans. Et c'est des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala les honore à cause de leur piété, de leur foi. Hein, il leur permet parfois de faire certains actes ou certaines choses miraculeuses ou bien qui sont de l'ordre des prodiges, hein, des choses exceptionnelles. Et c'est important de connaître et de comprendre la position d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Donc le Cheikh Ibn Burjis, rahimahullah, il dit: ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه قال تعالى عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. Donc ceux qui suivent le cours en ce moment de Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, qu'on fait avec le charh de Cheikh Al-Fawzan, du livre d'Ibn Taymiyyah, ils savent, ils comprennent très bien ce sujet-là parce qu'on en a parlé beaucoup, hein. Le Cheikh Ibn Burjis, il dit donc que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils croient, tel que cela a été rapporté par des textes qui sont mutawatir, c'est-à-dire rapportés par un très grand nombre, qu'il peut y avoir des karamat, hein, des prodiges que Allah fait arriver ou fait en sorte que ses serviteurs rapprochés puissent faire ce genre de prodige, ce genre de karamat. Et le wali, la définition du wali, c'est celui qui fait ce qui est ordonné dans la sharia et qui s'écarte de ce que la sharia a interdit. Et Allah a décrit les awliya dans le Coran, dans les versets 62 et 63, dans surat Yunus, dans lequel il dit ce qui signifie, certes, les awliya d'Allah. Les awliya d'Allah, le wala, ça vient de l'amour et de la proximité. Donc ceux qui aiment Allah et qui se rapprochent de lui, qui sont des serviteurs rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés, hein? Et il les définit en disant, ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa. At-taqwa, on a expliqué que c'est le fait de se protéger ou de se préserver d'Allah et de son châtiment en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit, par espoir de son paradis et par crainte de son châtiment. C'est ça, at-taqwa. Je répète, ok, at-taqwa, c'est de faire ce que Allah a ordonné, hein, c'est-à-dire de chercher une protection contre Allah. At-taqwa, ça vient de al-wiqaya, waqayaqi. Donc al-wiqaya, ça veut dire une protection. Et la protection qu'on peut prendre contre Allah, c'est uniquement en faisant ce que Allah nous ordonne et en s'écartant de ce que Allah nous a interdit, par crainte de son châtiment et avec espoir en sa récompense. Donc celui qui fait ça, on dit de lui qu'il fait partie des muttaqin et qu'il est un taqi, hein, et qu'il a at-taqwa. Donc Allah, il dit à propos des awliya que ce sont ceux qui ont cru, alladhina amanu wa kanu yattaqun, qui ont at-taqwa. Donc pour être un wali d'Allah, il faut avoir la foi et il faut avoir at-taqwa. C'est ça la définition. C'est pas nécessaire de faire des miracles ou de faire des prodiges, ou d'avoir des pouvoirs surnaturels, ou de lire, de connaître le raïb, contrairement à ce que les soufis parfois ont inventé à propos de la définition du wali. Parce que chez les soufis, le terme wali, hein, il a une toute autre définition que chez les gens de la sunna. Et ils ont copié un petit peu la notion de wilaya, de l'exemple des chrétiens par rapport à la sainteté, hein, chez les catholiques par exemple, comment quelqu'un devient un saint, c'est, hein, le fait qu'il soit canonisé par le pape ou bien par l'église. Une fois qu'il est considéré un wali, eh bien il pense que on peut le prendre comme un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah, on peut les invoquer, on peut leur faire des du'as, comme ils le font eux-mêmes avec leurs saints, les chrétiens. Et il y a toujours des grandes ressemblances entre les soufis et les chrétiens. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et Ibn Taymiyyah a mentionné plusieurs de ces ressemblances-là dans son livre Al-Ubudiyya. Hein? Donc, les soufis, en fait, ont rajouté des choses à la notion de sainteté des chrétiens qui sont encore plus graves même que ce que les chrétiens font comme pratique et comme croyance de shirk et de kufr. Donc, ils se sont encore plus égarés même dans certaines de leurs croyances que les chrétiens. Donc, le cheikh explique maintenant la définition de la karama. Qu'est-ce que c'est al-karama? Il dit, al-karamatu amrun khariqun lil'ada yujrihi Allah ta'ala ala yadi waliyin min awliyaihi ma'unatan lahu ala amrin diniyin aw dunyawiyin لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين. Donc le cheikh il dit, al-karama, c'est une chose qui est hors de l'ordinaire, hein, surnaturelle, et que Allah permet, hein, de se produire par la main d'un serviteur parmi ses serviteurs rapprochés, pour l'aider, soit dans une question ou une chose religieuse, ou une chose de la dunya. Mais ce prodige de la part du wali n'est pas de même envergure ou de même grandeur que les miracles des prophètes et des messagers. C'est-à-dire que la karama, c'est un prodige, mais ça n'atteint pas la grandeur et l'importance des miracles que faisaient les prophètes. Et le cheikh il explique ensuite, il dit wa min karamati al-awliya, hein, wa min karamati Allah li awliyaihi qissatu ashab al-kahf wa qissatu Maryam radiyallahu anha indama ja'aha al-makhad ila jad' an-nakhla fa amaraha Allah an tahuzza بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وقصة آصف أو آصف كاتب سليمان عليه السلام وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وقصة جريج الراهب وقصة النفر 3 من بني إسرائيل الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة لأن سببها الولاية والولاية موجودة إلى قيام الساعة. Donc le cheikh explique que là les karamat, parmi les karamat des awliya, des serviteurs rapprochés d'Allah, il y a plusieurs exemples qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna authentique et dans les paroles des salafs. Et il énumère certaines de ces karamates. Parmi les exemples qu'il a mentionnés, l'histoire des gens de la caverne, qui est mentionnée dans Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf qui est le chapitre 18, hein, dans le Coran. Surat Al-Kahf. Dedans, il y a la mention, hein, de jeunes qui ont cru en Allah et qui faisaient pas le shirk et qui se sont écartés de leur peuple pour éviter de tomber dans la religion de leur peuple qui était la croyance du shirk et tout, et qui se sont donc cachés dans une grotte et Allah subhanahu wa ta'ala les a gardés dans cette grotte là en train de dormir pendant une très très longue période. Et par la suite, Allah les a réveillés, les a réveillés et ils se sont rendus compte que beaucoup de temps était passé, hein, et que beaucoup de choses avaient changé justement. Donc, ça c'est un miracle de la part d'Allah, ça fait partie des karamat pour ces hommes, pour ces jeunes qui étaient pieux. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. C'était des jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les augmenter en guidance et il a fait que ce genre de choses leur arrive. L'exemple aussi de Maryam, hein, alayhi salam, lorsque elle a enfanté, hein, elle était en train d'accoucher et elle était près d'un tronc de palmier. Et qu'est-ce qu'elle a fait, hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de secouer le tronc du palmier et des fruits frais sont tombés, hein, de l'arbre pour elle. Alors que une femme qui est en train d'accoucher, qui est faible et fatiguée, même si elle frappe le tronc de toutes ses forces, ça va jamais tomber, hein. Mais ça, c'est un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ça soit facile pour elle. De même qu'une source d'eau, hein, qui a jailli pour elle. Également, l'histoire qu'elle s'était exclue, hein, des gens, elle s'était écartée des gens. Et elle avait mis entre elle et les gens un voile. Et son tuteur, celui qui s'occupait d'elle, Zakaria, qui venait à chaque fois pour voir si elle avait tout ce dont elle avait besoin et qui trouvait toujours auprès d'elle de la nourriture. Alors qu'il n'y avait personne qui rentrait là où elle était. Et il trouvait même chez elle les fruits d'hiver en été. Et les fruits d'été en hiver. Ça fait partie des karamats, ça aussi. Et l'histoire de Asaf, qui était le scribe, un des scribes de Suleyman, alayhi salam, et la mention de cette histoire-là était mentionnée dans le verset 40 dans Surat An-Naml. Lorsque Suleyman, alayhi salam, demande qui peut m'amener son trône, le trône de la reine de Saba. Et un des djinns, parmi les démons des djinns, un Ifrit, il dit, moi je peux te l'amener avant que tu te lèves de ta place. Et un d'entre ceux qui étaient avec lui, c'était Asaf, qui connaissait le livre. Il a dit, moi je peux te le ramener avant même que tu clignes tes yeux. Hein? Pourquoi? Parce que lui, il invoque Allah, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala commande à l'ange d'aller le chercher, le trône, et de le ramener. Et les anges sont plus rapides que les djinns encore. Donc l'autre, il a dit avant que tu te lèves de ta place. Et l'autre, il a dit avant même que tu clignes d'un œil. Donc le clignement de l'œil, c'est plus rapide que le fait de se lever. C'est la preuve que les anges sont plus forts et plus rapides que les djinns. Et ça, c'est une karama, hein? Pour ce scribe de Suleyman. L'histoire aussi de l'homme que Allah avait fait mourir pendant 100 ans puis qu'il l'a ressuscité par la suite, qui est mentionné dans Surat Al-Baqarah. Et il y a une histoire aussi qui est mentionnée, le cheikh il mentionne l'histoire de Jureyj Al-Rahib, un moine qui s'appelait Jureyj. Je me rappelle plus de cette histoire-là, donc je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement. Il y a l'histoire qui est bien connue des trois hommes parmi Bani Israël qui s'étaient réfugiés dans une grotte pendant la nuit pour dormir. Puis, pendant la nuit, un rocher est tombé sur l'entrée de la grotte et ils ne pouvaient plus sortir. Et chacun d'entre eux a fait une invocation, puis le rocher s'est retiré. Ça fait partie des karamats. Et il y a beaucoup d'autres, le cheikh dit, il y a beaucoup d'autres exemples de karamat qui sont célèbres et connus chez les hommes de science, établis dans le Coran ou dans la Sunna authentique ou bien dans les paroles de qu'est-ce qui a été rapporté de la part des salafs, hein, de ceux qui sont venus après. Et il dit qu'il y aura toujours des karamat dans cette umma, jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier, parce que la cause des karamates, c'est al-wilaya. Et il y aura toujours des croyants qui ont la taqwa jusqu'à la fin des temps. Donc il y aura toujours des karamates jusqu'au jour de la résurrection. Et le Cheikh dit: "Wa man ja'a bi khariqin min khawariq al-'adat lam yakun dhalika muzakkiyan lahu dallan 'ala wilayatihi hatta yu'rada 'amaluhu kulluhu 'ala al-kitab was-sunnah fiyu'rafu bil muwafaqati lahumā wa ittiba'ihimā dhāhiran wa bāṭinan." Donc il dit puis ensuite: "Celui qui vient avec un acte surnaturel parmi les khawariq, les choses qui sont hors norme ou hors de la surnaturelle, ça ne veut pas nécessairement dire que on va dire de lui qu'il est correct. Jusqu'à ce qu'on ait présenté ses œuvres et qu'on les ait mis dans la balance du Coran et de la Sunna pour les juger, pour voir si qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Pour voir si c'est en accord avec le suivi du Coran et de la Sunna intérieurement et extérieurement. Si la personne, c'est une personne qui contredit le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, on va savoir que ces actes surnaturels-là ne sont pas des karamates. Ce sont des ruses du diable, que parfois le shaitan aide certains sorciers ou certains charlatans à faire pour tromper les gens. Et il dit: وَمِنْ فَضَائِلِ الْأَوْلِيَاءِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. C'est-à-dire, quiconque prend qui prend mon serviteur rapproché en animosité, alors je lui déclarerai la guerre. Je lui déclarerai la guerre. Ça veut dire que ça montre le mérite et l'importance du wali pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis pour rajouter quelques points par rapport à ça, je vais vous lire en même temps des passages d'un texte que j'avais écrit en réponse à certains égarements que certains avaient propagés à propos des karamates. Donc je vais vous lire ça, inshallah. C'est un texte que j'ai écrit moi-même, donc c'est ma propre traduction. Les fatwas des ulama par rapport aux karamates. On a posé au sujet des karamates, on a posé la question au comité permanent de fatwa et de recherche scientifique en Arabie Saoudite. Et voici la question et la réponse. Question: est-ce que les awliya, c'est-à-dire les hommes pieux, les hommes approchés d'Allah, ont des karamates? Et est-ce qu'ils contrôlent le royaume des cieux et de la terre? Et est-ce qu'ils peuvent intercéder pour les vivants lorsqu'ils sont morts ou non? Voici la réponse. Les karamates sont des choses inhabituelles que Allah fait apparaître à la main de certains serviteurs pieux, vivants ou morts, pour les honorer et pour repousser d'eux un mal, ou pour réaliser un bienfait pour eux, ou pour rendre la vérité victorieuse par leur cause. Et ce pouvoir de faire une karama n'est pas entre les mains de cet homme pieux. Il ne peut le faire quand il veut. Tout comme le prophète ne détient pas le pouvoir de faire un miracle lui-même. Tout cela n'appartient qu'à Allah lui seul. Allah dit, ce qui signifie dans le Coran, le verset 50 dans Surat Al-Ankabut, et il dit: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des miracles de la part de son Seigneur? Dit: les miracles sont auprès d'Allah, mais je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Donc les hommes pieux ne possèdent pas le contrôle du royaume des cieux et de la terre, sauf de ce que Allah leur a donné de pouvoir par les causes qu'il a créées, comme pour tous les hommes, comme l'agriculture, la construction, le commerce, etc. Tout ce qui fait partie des travaux des hommes, et cela par la permission d'Allah. Ils ne possèdent pas non plus après leur mort le pouvoir d'intercéder pour quiconque parmi les vivants ou les morts. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans le verset 44 dans sourate Az-Zumar, dit au Muhammad, l'intercession tout entière n'appartient qu'à Allah. Hein? قل لله الشفاعة جميعا. Et il dit, ceux qui invoquent en dehors d'Allah, hein, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, en voulant dire Allah, n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Ça, c'est le verset 86 dans Sourate Az-Zukhruf. Et le verset 255 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ?» Donc, et quiconque croit qu'ils ont un contrôle dans l'univers ou qu'ils connaissent le raïd est un kafir. Donc, si quelqu'un pense que les awliya ont le contrôle de l'univers comme le croient les soufis, ou bien qu'ils connaissent le raïd, il est kafir. Car Allah dit dans le Coran ce qui signifie, dit au Muhammad, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le ghaib à part Allah. Le verset 65 dans Sourate An-Naml. Donc cette fatwa, on la retrouve dans le volume 1 du recueil de fatwa de Lajnat al-Da'ima, l'Ilbuhuth al-Ilmiya wal-Ifta, à la page 388, la fatwa 9027. Et il est vrai que nous croyons en ce qu'on appelle karamat, cela fait partie des principes de la croyance des salafus salih et de la aqidah d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il résume ce principe dans son livre Sharh Aqidatul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, entre la page 111 et 113. Il dit, le mot karamat, le pluriel de karamat, désigne une chose inhabituel ou hors de l'ordinaire ou surnaturel, qui est quelque chose qui est extraordinaire. Elle vient de la part d'Allah et l'homme n'a sur elle aucun contrôle. Si cette chose inhabituelle arrive par la main d'un prophète, alors c'est un miracle. Comme par exemple, l'augmentation d'une petite quantité de nourriture devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'eau qui coule entre ses doigts, hein, ou le lait qui coulait entre ses doigts. Et pour plus important encore que cela, la révélation du Coran, qui est le plus grand miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les hommes et les djinns réunis n'ont pas réussi à amener une seule sourate comparable. Le bâton de Moussa, hein, sa main, hein, sont des signes, hein, parmi les 10 signes que Allah lui a donné. Il dit, et ce que Isa a reçu par la permission d'Allah de faire revivre les morts, et de faire voir les aveugles nés et les lépreux. Hein? Ça fait partie des miracles. Ce sont des miracles, et ce que notre messager a reçu comme miracle, hein, c'est des quantités énormes. Il a fait énormément de miracles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, en ce qui concerne les choses inhabituelles, hein, extraordinaires, qui se produisent par la main des hommes pieux, qui ne sont pas des prophètes, ce sont des karamates qui viennent d'Allah. Comme c'est arrivé à Maryam, on a mentionné l'exemple, elle a pris abri des regards des gens, voilée et à l'écart, et elle recevait malgré cela sa subsistance. J'ai mentionné les exemples tout à l'heure. Ainsi que les gens de la caverne, donc ça on a mentionné ça aussi. Et après il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle a écrit un livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Il dit, c'est un très bon livre à ce sujet-là. Il dit, en ce qui concerne les choses surnaturelles qui se produisent à la main d'un kafir, parce que des fois il y a des kuffars qui peuvent faire des choses surnaturelles aussi, hein, et on leur attribue parfois même des miracles. Il dit, cela ne fait pas partie de ce qu'on appelle des karamates, ce sont des trucs du shaitan. Donc on peut voir un sorcier voler dans les airs, marcher sur l'eau, entrer dans le feu sans se brûler. Cela fait partie des actions du shaitan et non des karamates. C'est en fait un test et une épreuve. Il dit donc, nous croyons que les karamates des awliya, et que nous croyons en les karamates des awliya, et que c'est une faveur venant d'Allah. Les savants ont dit, les karamates que font les hommes pieux sont des miracles, ou bien des prodiges en faveur des prophètes. C'est-à-dire que leur karamat des hommes pieux, c'est considéré comme ça, ou bien ça rentre dans les miracles des prophètes. C'est comme une continuation des miracles des prophètes après eux. Il dit, ce sont donc une karama pour les awliya et un miracle, une mu'jiza pour les prophètes. Et les gens se divisent en trois catégories par rapport aux karamat. C'est-à-dire parmi les musulmans, il y a trois catégories de façon dont les gens agissent vis-à-vis des karamat. Hein? Il y a la position du juste milieu et il y a les deux extrêmes. Ceux qui ont dévié sur cette question-là. Donc, la première position, ceux qui nient les karamat de façon générale. Ils ne croient pas en les karamat. Et eux, c'est les Mu'tazila. Parce que vous savez, les Mu'tazila, eux, ils prétendent être les rationalistes, les gens de la raison et de la logique. Et ils prétendent que tout ce qui ne peut pas être établi ou prouvé scientifiquement ou bien rationnellement ou logiquement, ils le nient. Et donc, parmi les choses qu'ils nient, il y a les karamat. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de karamat, il n'y a pas de choses extraordinaires qui peuvent se produire. Ils disent parce qu'ils se basent sur leur raison, pas sur la révélation. Donc, ils nient les karamat en bloc. La deuxième position, et même parfois certains, ils nient même les miracles. Ils nient, certains parmi cette catégorie de personnes, même, ils nient les miracles des prophètes aussi, parfois. Et il dit, la deuxième position sont ceux qui exagèrent au sujet de l'affirmation des karamat jusqu'à considérer les ruses et les trucs des sorciers, des voyants et des soufis comme étant des karamat. Alors que ce sont des ruses et des trucs du shaitan et non des karamat. Donc ceux-là ont exagéré dans l'affirmation des karamat jusqu'à considérer que tout ce qui est inhabituel comme étant une karama. Donc si une chose surnaturelle se produit à la main d'un sorcier ou d'un voyant ou d'un mushrik, ils disent ça c'est une karama. Hein? Voilà pourquoi ils adorent les tombes. Ils disent celui à qui cette tombe appartient a eu des miracles. Hein? Il lui est arrivé telle ou telle chose et il demande de l'aide. Et cela est une forme d'exagération envers les hommes pieux. Hein, qui les font tomber même dans le shirk majeur. Et vous voyez ça parfois, même certains, ils publient ça publiquement. Ils disent, je suis allé à telle tombe et j'ai été malade et j'ai été guéri en allant à cette tombe-là. Donc les gens, ils lisent ça et par la suite, ils vont inciter les autres à y aller. Et ça, malheureusement, ça c'est du shirk. Allah al-musta'an. Et la raison pourquoi parfois ces gens-là peuvent aller dans ces endroits-là et qu'ils guérissent, comme Cheikh Al-Fawzan il a expliqué, il a dit, parfois c'est pure coïncidence. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à ce moment-là et Allah les a guéris sans que ça ait aucun rapport avec le fait qu'ils soient à cet endroit-là. C'est Allah qui a prédestiné qu'ils soient guéris à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc ça n'a rien à voir avec la tombe ou le mort. Ou bien, des fois c'est une forme d'istidraj de la part d'Allah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a vu que ce sont des gens qui se détournent de la vérité et qui s'enfoncent dans le mensonge. Donc pour les égarer encore plus, Allah subhanahu wa ta'ala a permis que ces gens-là soient guéris à ce moment-là et à cet endroit-là pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leurs fausses croyances à cause de leur mécréance. C'est comme une punition pour eux. Hein? Donc quand ils voient que des choses comme ça se produisent, ils se sentent confortés dans leurs mensonges et ils s'enfoncent encore plus malheureusement. Wal'iyadu billah. La troisième position, c'est la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ils sont entre les deux extrêmes. Ils affirment les karamat et que ce sont des choses véridiques. Toutefois, les trucs du shaitan qui se produisent aux mains des diables, les shayatins, ça, ils ne considèrent pas comme étant des karamat. Ce ne sont que des trucs du shaitan pour tester et éprouver les hommes. Hein? C'est comme si, par exemple, j'ai mentionné ça une fois, je mentionnais l'exemple. C'est que si, par exemple, il existait une idole, une statue, et que cette statue-là, toute personne qui se prosterne devant, il guérit d'une maladie, est-ce que parce qu'elle guérit de cette maladie, ou d'une maladie, même le cancer ou autre, est-ce que ça veut dire que ça justifie le fait de faire le shirk et d'adorer cette idole? Hein? C'est un test. Hein? C'est comme l'exemple de quelqu'un qui joue à la loterie, puis il gagne. Hein? La loterie, c'est haram. Même si tu gagnes. Hein? C'est-à-dire, j'ai joué un billet de loterie, j'ai gagné 12 millions. Tu vas dire, mais ça, cet argent est haram pour toi. Hein? Là, quand tu n'avais pas joué, tu n'avais pas de tentation, tu n'avais pas de fitna. Maintenant que tu as gagné, tu as joué et tu as gagné. Tu as désobéi à Allah et là, maintenant, tu as la fitna. Hein? Tu vas dire, comment je vais laisser tomber 12 millions? Hein? Ben, c'est la même chose. Allah, il t'a interdit le shirk. Donc toi, tu es allé adorer une tombe ou un mort, puis tu es guéri. Tu penses que parce que tu as été guéri, ça justifie le shirk? Non, ça, c'est pas une preuve que c'est correct. Hein? C'est le plus grave de tous les péchés, celui que Allah ne pardonnera pas. Donc, la personne, c'est sûr qu'elle peut se repentir, mais encore là, il faut qu'elle soit sincère. Hein? Et le cheikh, il dit, il lui arrive des choses, donc, cela arrive par l'action des shayatines. Et il peut informer quelqu'un sur des choses cachées parfois. Et les shayatines, c'est les shayatines qui l'informent. Ils vont aller voir un voyant ou un médium et ils lui demandent des choses à propos du rêve ou des choses comme ça. Et c'est les shayatines qui lui donnent l'information à propos de la personne. Et lui, il croit réellement que c'est elle qui sait le rêve. Hein? Donc ça, c'est ça qui est kofiani. Parce qu'il les a adorés, il s'est soumis au diable et les diables le servent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 128, dans Surat Al-An'am, ce qui signifie « Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres », c'est-à-dire les djinns et les êtres humains. « Et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. » Donc, lorsque l'homme se rapproche du djinn et se soumet à celui-ci, les djinns le servent. Et les djinns sont capables de ce que l'homme est incapable de faire. Alors l'ignorant s'imagine que ce sont des karamates et que ce sont et alors que ce ne sont pas des karamates, ce sont des trucs du shaitan. Il est donc obligatoire de faire attention à ce genre de choses. Hein. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres points que j'ai mentionnés par la suite. Ceux qui veulent voir les détails, le texte en question, il est disponible sur le site Salafi de Montréal. Et le titre de ce texte, c'est Tariq Ramadan et les karamates. Hein? Ok, il y a une copie ici. Le frère Abdul Malik, il a fait une copie pour les frères ici dans la Maktaba. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour la salat, Inch'Allah. Et on continue, on va finir la dernière partie qui reste. Après la salat de Asr, Inch'Allah, c'est le dernier cours. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.